Chapitre 26. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Titre. Don de guérir. Rendez la santé aux malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez les démons. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement, dit Jésus à ses disciples. Par ce précepte, il prescrit de ne point faire payer ce que l'on n'a pas payé soi-même. Or, ce qu'il avait reçu gratuitement, c'était la faculté de guérir les malades et de chasser les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits. Ce don leur avait été donné gratuitement par Dieu pour le soulagement de ceux qui souffrent et pour donner à la propagation de la foi. Et il leur dit de ne point en faire un trafic, ni un objet de spéculation, ni un moyen de vivre. Titre. Prière payée. Il dit ensuite à ses disciples en présence de tout le peuple qui l'écoutait. Gardez-vous des scribes qui affectent de se promener en longues robes, qui aiment à être salués dans les places publiques, à occuper les premières chaires dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui, sous prétexte de longues prières, dévorent les maisons des veuves. Ces personnes en recevront une condamnation plus rigoureuse. Saint Luc, chapitre 20, versets 45, 46, 47. Saint Marc, chapitre 12, versets 38, 39, 40. Saint Matthieu, chapitre 23, verset 14. Jésus dit aussi, « Ne faites point payer vos prières, ne faites point comme les scribes qui, sous prétexte de longues prières, dévorent les maisons des veuves, c'est-à-dire accaparent les fortunes. » La prière est un acte de charité, un élan du cœur. Faire payer celle que l'on adresse à Dieu pour autrui, c'est se transformer en intermédiaire salarié. La prière alors est une formule dont on proportionne la longueur à la somme qu'elle rapporte. Or, de deux choses l'une. Dieu mesure ou ne mesure pas ses grâces au nombre des paroles. S'il en faut beaucoup, pourquoi en dire peu, ou pas du tout à celui qui ne peut pas payer? C'est un manque de charité. Si une seule suffit, le surplus est inutile. Pourquoi donc alors le faire payer? C'est une prévarication. Dieu ne vend pas les bienfaits qu'il accorde. Pourquoi donc celui qui n'en a pas même le distributeur, qui ne peut en garantir l'obtention, ferait-il payer une demande qui peut être sans résultat? Dieu ne peut subordonner un acte de clémence, de bonté ou de justice que l'on sollicite de sa miséricorde à une somme d'argent. Autrement, il en résulterait que si la somme n'est pas payée ou est insuffisante, la justice, la bonté et la clémence de Dieu seraient suspendues. La raison, le bon sens, la logique disent que Dieu, la perfection absolue, ne peut déléguer à des créatures imparfaites le droit de mettre à prix sa justice. La justice de Dieu est comme le soleil, elle est pour tout le monde, pour le pauvre comme pour le riche. Si l'on considère comme immoral de trafiquer des grâces d'un souverain de la terre, est-il plus licite de vendre celles du souverain de l'univers? Les prières payées ont un autre inconvénient. C'est que celui qui les achète se croit, le plus souvent, dispensé de prier lui-même, parce qu'il se regarde comme quitte quand il a donné son argent. On sait que les esprits sont touchés par la ferveur de la pensée de celui qui s'intéresse à eux. Quelle peut être la ferveur de celui qui charge un tiers de prier pour lui en payant? Quelle est la ferveur de ce tiers quand il délègue son mandat à un autre, celui-ci à un autre, et ainsi de suite? N'est-ce pas réduire l'efficacité de la prière à la valeur d'une monnaie courante? Titre. Vendeur chassé du temple. Ils vinrent ensuite à Jérusalem. Et Jésus, étant entré dans le temple, commença par chasser ceux qui y vendaient et qui y achetaient. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait pas que personne transportât aucun ustensile par le temple. Il les instruisit aussi en leur disant, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations? » Et cependant,